Frost. Le ghetto, la rage, j'ai du seum. J'annonce mon retour. Ok, je commence le texte, après je m'arrache direct en R6 Hemi. Je ramène du seum en quantité, tout le monde sera bien servi. De quoi rassaser le quartier, ici tout est permis. Dans ma paire de Nike, rien que je même. Pendant que mes potes sous amnésia se pètent la tête, une liasse de billets dissimulés dans la poche costla. Ramène le cutter que je guette le Z là. Est-ce que les gars vous êtes là? Au cas où si tu ne savais pas le blaze, c'est néfaste. Compagnie aérienne qui bise là, rien que tu planes. Objectif million d'euros flotter sur la banquise. Péter le cul de la marquise. On est des maquisards, éternels zonards. Les yeux émerveillés devant un gros slur. Vas-y Charles, ton slur. Ce soir j'ai le cafard. Des années à éviter la perquise. Sur la justice on pisse. Mon 59 une grosse prise. Teste pas, c'est trop violent. Vas-y arrête ton violon. Vraiment trop stupéfiant. Comme un client qui rencarde la brigade. Et stupéfiant. T'es paro, j'suis paré, t'es paré. J'suis OP, vas-y on monte au braco. Tant de crise, grosse quantité signifie baisse des tarots. Combien de frères déterminés finissent derrière les barreaux. Arme de guerre pour te mettre sur le KO. Le ghetto. Je prépare un carnage pour les hyènes qui veulent rouler en Cayenne. Niquer le système, bah ouais c'est ça qu'on aime. Brigade j'ai nique ta mère, la grosse chienne. Y'a du refrain et du thème. Et c'est ça que t'aimes pour les damnés. Sans chaîne qui enchaîne. Pour les darons qui ont trop trimé. Parlo, arcofrage, trop cantiné. Prostituée de l'Est, partie de rien, on veut grimper les frestes. Le monde est à nous et qui le conteste. J'ai un filon à l'ombre à que les wap au qu'il conteste. Viens passer les tests. On t'apprendra comment baiser la France avec une paire de gants et du latex. Lève ton index, nique sa mère l'état 5-9. Néfastise, back in the game dans ton hood. C'est une vente d'état, y'a rien de neuf. Y'a que dans leur clip qu'ils se mettent une cagoule. Nique sa mère l'état 5-9. Néfastise, back in the game dans ton hood. C'est une vente d'état, y'a rien de neuf. Y'a que dans leur clip qu'ils se mettent une cagoule. Prise de conscience logique, dealer du secteur. La température monte vite quand tournent les inspecteurs. On sera tous millionnaires, frère à ce qui paraît. Qui a dit cette connerie? Un bâtard avec une gueule de vendu dans mon taudis. Rien que c'est la haise, ça part de liasse. Prêt à tout jusqu'à sortir le schlasse. Nique sa mère l'état, vendetta. Joint d'amnésia, en grosse merco ça pue la rue. Du côté de chez moi, la E17 pour te dire que la route de la bœuf est plus courte que ma grosse queue. C'est pour les mecs de ma zone, de mon district. On dit que ta mère comme ça, la messe est dite c'est trop strict. Ça coupe des blocs en pagaille, en bas des blocs c'est la bataille. Ambiance freestyle racaille, trois verres de sky, des putailles. C'est arcan et sévère façon Kerry. On charbonne été comme hiver, on était guerrier acquéri. La soif de l'or ici frère, personne ne l'a guéri. Dès lors où ça n'a reste des sept pisseurs, des terres de Téchi. On boycotte, fuck sa mère les boy scouts. T'es pas du coin, tu suffoques, ici les petits frères. T'arraches ton scout, au secours, sec, neuf Jamaïca. Dans les rues françaises et qui portent des noms ma matine Algérie. Du sang pour les bonhommes, pas pour les tempes qui ne bougent pas. Je préfère parler du prix du seum que d'aller me faire passer dans un spa. Nique sa mère l'état, 5-9. Néfastise, back in the game dans ton hood. C'est une vente d'état, y'a rien. Y'a que dans leur clip qu'ils se mettent une cagoule. Nique sa mère l'état 5-9. Néfastise, back in the game dans ton hood. C'est une vente d'état, y'a rien de neuf. Y'a que dans leur clip qu'ils se mettent une cagoule.